d'avant. Tous les soirs on jouait aux dames. Tous les soirs je les frôlais comme un fakir glisse sur une lame. Tu te souviens de mes nuits d'avant? Pas beaucoup d'échecs, mais parfois les questions auxquelles on ne répond pas se bousculaient, demandaient leur reste, car ils avaient peur qu'on les laisse. Autrement que par maladresse ou